c'est pas facile de gérer trois mecs à la fois. Y'a Pascal, y'a Scalping et y'a aussi Scalpa. Trois mecs à gérer, trois personnes et un seul moi. Y'a Pascal, Scalping et puis y'a Scalpa. Pascal, pas grand chose à raconter, ça fait longtemps qu'il va Jaffra. Tant pis si ça le fait chier qu'il est malade, il va Vaitra. Le plus courageux des trois, lui les emmerde, il en veut pas. C'est pas qu'il a pas été tenté, même un paquet de fois. Mais aujourd'hui il est posé, surtout depuis qu'il est papa. Alors il va marner, tant qu'on le fait pas chier. Pour lui ça va, c'était le premier que je vous présentais. Les autres ils arrivent là. J'te promets que c'est pas facile de gérer trois mecs à la fois. Y'a Pascal, y'a Scalping et puis y'a Scalpa. Trois mecs à gérer, trois personnes et un seul moi. Y'a Pascal, Scalping et puis y'a Scalpa. En deuxième, Scalping, alors lui je vous raconte pas. Il est tout le temps déchiré à faire n'importe quoi. En fait si on l'écoutait il serait tous les jours dans le coma. Pas facile de gérer un énervé comme ça. Même s'il s'est calmé qu'il a tué beaucoup de bloodia. Faudrait pas le laisser aller, c'est pour ça que les deux autres sont là. À toujours le rattraper, à le consoler quand ça va pas. Même si c'est pas facile de piger, c'est cool d'être à trois. C'était le deuxième que je vous présentais, le troisième arrive là. Je te promets que c'est pas facile de gérer trois mecs à la fois. Y'a Pascal, Scalping et puis aussi Scalpa. Trois mecs à gérer, trois personnes et un seul moi. Y'a Pascal, Scalping et puis y'a Scalpa. Scalpa lui ce qu'il veut, en fait c'est peurin. Toujours en train de chanter à n'importe quelle heure de la journée. Et puis peu importe l'endroit, tant qu'il y a du son pour lui ça va. Il écrit, fait des chansons, c'est l'artiste dans tout ça. Et même si c'est chiant de gérer trois mecs à la fois, Culture c'est quand même sympa parce qu'une fois que les trois sont là. Quand ça part en embrouille, le chacun pour tous, c'est tous pour moi. Et tant pis si je dois gérer trois personnes à la fois. Je te promets que c'est pas facile de gérer trois mecs à la fois. Y'a Pascal, Scalping, et puis y'a Scalpa. Maintenant vous connaissez le plus profond de mes tracas. C'est Pascal, Scalping, et puis aussi Scalpa. En fait, tout simplement, je crois bien que ce n'est que moi.